Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle dose de musique de traverse, émission diffusée à partir du 94 MHz le lundi à partir de 21h30 jusqu'à 23h et des poussières, ou à partir de son blog asile35.blogspot.fr, blog qui commence à faire pas mal d'émules, et aussi à partir du mixcloud.com/redman. Et je propose d'attaquer sans plus attendre avec un groupe ukrainien totalement inconnu au bataillon. Il s'appelle les Gravitsapa. Ils viennent de sortir Radio Free Vulgata. C'est un disque produit par Tenzemen, label Do It Yourself de Sydney, qu'on avait rencontré récemment avec le disque d'Astolfo sous la Luna, qui réédite deux EP qu'ils ont fait paraître ces dernières années, Radio Free Taxi Pod et Vulgata. Donc l'album s'appelle Radio Free Vulgata, c'est sorti en début d'année pour ce combo donc d'origine ukrainienne qui existe apparemment depuis 2005, une musique à orientation oblique comme aurait dit notre camarade Juan Luis à l'époque où il s'occupait de groupes free rock de l'Est, tchéco, polonais et autres ruskov. Je propose d'attaquer avec deux titres enchaînés de ce Gravitsapa pour démarrer, le Under The Poltva par ce groupe ukrainien. We'll be right back. Et voilà, une finale un peu cut pour cette triplette de titres qui ont démarré l'asile de cette semaine. Tout d'abord, le projet, le quatuor Gravitsapa, groupe ukrainien de guitare, basse, batterie et de la voix assez vociférée, avec une influence Prokofiev, Shostakovich, voire même Igor Stravinsky. Ça, c'est la com qui nous le dit. Il y a pas mal d'influence aussi de King Crimson, de l'époque Red, sur ces deux EP de 2013 réunis par l'excellent label australien Tanzenmen qui édite ce Radio Free Vulgata. Donc pour ce groupe pas mal inspiré aussi par le cinéma, donc apparemment ils ont tiré leur nom d'un film soviétique culte du nom de King Zaza qui racontait un peu un futur apocalyptique anti-utopique. Voilà, et on a enchaîné ce Gravitsapa avec Drift Machine qui est un duo constitué de Andreas Gers et Florian Zimmer, duo berlinois avant-dub industriel, comme on dit, avec pas mal d'oscillations analogiques en tout cas. Et c'était extrait ce titre de Drift Machine de leur tout nouvel album sous le titre Colliding Contours, sorti par l'excellent label de Mexico City Humor Rex. Ça sort plutôt début mai en vinyle. Deuxième opus donc pour ce projet, un titre qu'on retrouve aussi sur la compilation du magazine anglais The Wire du mois de mai, avec sa livraison numéro 387, le Wire Taper 40, 40 tout rond, avec 20 titres pour cette 40e parution du CD bonus du magazine londonien que vous devriez pouvoir trouver en kiosque ces jours-ci. Ça se trouve souvent dans les gares. Le magazine The Wire avec ce mois de mai Marissa Nadler en couverture avec des très très belles photos de la folkeuse et puis pas mal d'autres dossiers, notamment un dossier d'ailleurs sur les musiques underground russes et autres improvisations underground de Manchester. On va continuer d'ailleurs avec cette ville de Manchester et un projet qui refait surface sous le nom de Spider King avec l'album Chot to Pieces qui est un peu qui continue la série des rééditions de groupes un peu mythiques underground par le label de Andy Votel Finder Keepers. Et Spider King, c'était un combo de post-punk assez mythique de Manchester, notamment parce qu'il comportait en son sein et à la basse Mr Martin Annett, le fameux Martin Annett de la Factory qui a forgé le son de Joy Division et autres New Order jusqu'au début des années 80. Excellent ingénieur son assez visionnaire et qui a fait partie donc de quelques projets qui n'ont pas publié vraiment et qui depuis sont un peu recherchés par les curieux et notamment les gens de Finder Keepers, à l'image de ce Spider King, différentes pièces enregistrées entre 79 et 1983, des pièces totalement oubliée et recouverte par le poids de l'histoire, puisqu'il s'agit de démos non publiées. Je propose d'écouter le titre CIA de Spider King, donc comme si vous étiez au début des années 80. We never wanna Et oui, du vrai rock'n'roll dans l'asile le plus sûr, qui l'eût cru. On a démarré avec Spider King et ce Shot to Pieces, ces pièces égarées, disparues, méconnues de la formation dans laquelle officiait le regretté Martin Hannett à la fin des années 70, début des années 80 du côté de Manchester. Il s'agit d'un florilège publié par le label britannique Finder Keepers, qui était enchaîné avec une réédition du premier disque de Gumtex. Tous, la formation qui colle aux dents donc, et ce Silent Cenotaph qui était sur leur premier opus, qui était sorti en 2011 à l'époque chez Tiger Trap, qui réédite ce disque en vinyle ce mois-ci. Un duo trio que vous avez peut-être découvert à la Villette Sonic l'an dernier. On les présente un peu comme les successeurs de The Locust ou autres Lightning Bolt. On pense aussi pas mal à Chrome et autres Sheet and Shine, mélange batterie plutôt tribale, électronique, noise, psychédélique, Thomas Fugelsang et Jesse Brightrone. Ces deux-là étant de Londres, ils ont sorti à ce jour deux disques longs. Celui dont on a écouté un extrait, le Silent Cenotaph, et un autre en 2014, ainsi que quelques EP. Voilà pour Gumtex Tous. Et on a terminé la séquence avec un combo punk, plutôt synth-punk d'ailleurs, de Baltimore, qui répond au nom ultra-frenchy de Kitté à l'infinitif. Il s'agissait d'un EP publié par un autre label australien, cette fois-ci de Melbourne, qui répond au nom de Blow Blood, et là encore une formation inspirée par les films de Dario Argento et autres David Cronenberg, un trio et apparemment maintenant aussi Quatuor, publié par ce label Distro Zine dans la grande tradition punk, la formation quittée. On va continuer avec un autre groupe assez rock, mais rock un peu primitif on pourrait dire. Il s'agit du grand orchestre Nippon basé en Écosse et mené par l'âme damnée Tori Kudo, chanteur, guitariste, songwriter, poète émérite, qui a fait partie de Fushitsusha et de pas mal d'autres projets, et qui depuis quelques années a un grand orchestre à géométrie variable au nom totalement imprononçable, Maher Shalal Ashbaz, et qui est une formation capable de jouer du rock avec force, trompette, flûte, mélodica et autres euphoniums. Ils viennent de faire paraître, ou plus exactement, ils vont faire paraître, ça sort au début du mois de mai sur le label du Vermont OSR Tapes Hello New York, en vinyle et en CD avec pas moins de 10 bonus d'ailleurs pour la version CD. Et si vous ne savez pas ce que ça peut donner, des titres du Velvet Underground repris par une fanfare japonaise assez déglinguée, le Maher Shalal Ashbaz Band est pour vous. Et je propose d'écouter non pas un titre de reprise du Velvet à l'image du Sweet Jane qu'ils ont repris sous le nom de Dulce Juana, mais un autre titre qui fait furieusement penser à une parodie de Sister Ray, le titre Harp. Et à noter que sur ce morceau, cette formation nippone est rejointe par Harrington de Dionidos. On écoute un extrait de ce Hello New York par le Maher Shalal Ashbaz. What were you doing after you had fallen on the earth? Them to cause the earthquake, because it is written. Anyway, why do you want to become me? It is because I never installed a limit in love. Why are you having your followers become tired? Because I do not love them. You should not have been born. I am care of today. Did you see my servants? Having my servants mimic them. Why do you have your servants pretend to fight? I want to mimic anything of you. My servants do not put out their names. By the way, traveling companion a pleasure. The traveling companion is the pleasure. Each trip is your love. Your love is hatred. And I do not give you the death. I diffuse the life. Alienation will become salvation now. I will make politics cultural. You do not know the time provided. You cannot read a person's mind. Your son can do it. You mimic my son as well. I am your son. I am your son. I am your son. I am your son. I do not know you. I divide the apple. I will finish treating you by that time. I will think about violence. That does not do anything. Does violence mean to make public private? My violence means to make public private. You should not have been born. It is word that gave birth to me. It is me that gave birth to you. Father, it was you that I chose. I do not know you. Now my side are more serious. Do you mean that they are mimicking my servants more serious? It is so. Did you see my servant? Please make him write words. Look whether he curses you. There he is in your hand. Only watch out for his soul itself. Rassurez-vous, ce n'est pas l'alarme de Canal B qui a retenti dans vos oreilles. Je remercie d'ailleurs mon co-régionnaire Redman de l'Asile le plus sûr pour cette blague affreuse. On a démarré cette séquence avec le maire Chalal Ashbaz et ce Hello New York dans un côté rock primitif assez décalé. Les pièces sont assez hypnotiques, je dois dire, à l'écoute de ce vinyle SCD publié par le label OSR Tapes d'ici quelques jours. Et on a continué toujours dans la livraison de Pâques du label Rémois Bicoc, qu'on avait pu déjà commencer à grainer la semaine dernière avec le Shaman Chômeur. Là, il s'agissait dans la deuxième séquence de la formation FAT, alors je ne sais pas l'acronyme de quoi ça peut être ce FAT, et l'album s'intitule Animal, donc un CD 4 titres, on va pouvoir appeler ça un maxi d'ailleurs. C'est sorti il y a de ça quelques jours donc sur Bicoc, ça a été masterisé à l'Abbey Road Studio, s'il vous plaît, donc un projet guitare basse batterie dans le registre rock improvisé, dans lequel on retrouve Thomas Coquelet au feedback vert, guitare préparée et autres micro-contacts, qu'on avait pu entendre aussi dans un autre projet du label Bicoc qui s'appelait Meur Apollune, donc une autre production qui était sortie l'année dernière. Et on vous a aussi passé la formation Elio Gabal et le disque Mo, qui lui était plutôt une sorte de free rock, free jazz mélangé, dans laquelle on le retrouvait, ce Thomas Coquelet, aux côtés de Sakina Abou, saxophoniste alto qu'on écoutait juste dans le morceau qui retentissait dans vos tympans, et c'était Sakina Abou en compagnie de JB Rubin, le saxophoniste, l'un des deux saxophonistes de Louis Munus 16. Et donc ça s'agissait d'un projet en duo sous le nom de Biki avec un point d'interrogation. L'album s'intitule Quelque chose au milieu. Il a été enregistré d'ailleurs assez magnifiquement par Jean-Luc Guyonnet qui était aux manettes. Alors je ne sais pas si c'était au studio Abbey Road, et sans doute enregistré live ce duo entre Sakina Abou et Jean-Baptiste Rubin, disque coproduit entre le label Bicoc qui coproduit souvent aussi avec Atypique Musique, et là il s'agissait d'une coproduction avec l'autre label lillois assez fameux qui répond au nom de Circum Disc. Et pourquoi je vous parle de label lillois, puisque ce week-end il y a une carte blanche à Tandoori Records au Jardin Moderne à Rennes, donc ce sera ce samedi 23 avril, la Spring Rec Number 2, donc une sorte de fête de l'été du fameux club de la route de l'Orient, avec vernissage d'exposition collective derrière les pochettes, concert de Dead, la formation Cold Wave bien connue des Brétiliens, ainsi que donc des groupes affiliés à Tandoori Records, notamment les fameux Louis Minus 16, donc du JB Rubin, qui retentissait aussi dans vos tympans ébahis, et aussi les frasques électro-persanes de Hassan Kay qu'on écoutait il y a de ça quelques semaines, il y a à peu près un mois ici même, dans votre programme préféré, l'Asile le plus sûr. Donc le quartet pyromane, comme c'est mis sur le site du jardin Louis Minus 16, et aussi un groupe rock noise sous le nom de Kitchen Tool 7, tout ça pour 6 €, ce sera ce samedi 23 avril, et donc exposition collective derrière les pochettes à admirer, et plateau autour des labels, mini concerts et plateau radio animé s'il vous plaît par les camarades de Canal B, ce sera ce dimanche 24 avril, alors je crois que c'est à 14 h, donc à l'heure de la sieste et de la digestion. N'hésitez pas à rejoindre le Jardin Moderne sur la route de l'Orient au manoir de Servigné. On va continuer avec un morceau un peu plus dansant. Lyon. Et il s'agit du retour de la compositrice suédoise et fille du Graham Lewis de Wire et de Dôme, mademoiselle Clara Lewis, qu'on avait pu connaître à l'occasion de son premier opus, qui était vraiment fantabulesque, sous le titre de Het avec deux T, E2T, qui était sorti sur Imego il y a de ça 2 ans. Et elle va pas tarder à récidiver, ce sera à la fin du mois de mai, avec un tout nouvel opus, tout bonnement appelé Tout, également sur le label Imego. Donc, comme toujours avec Miss Clara Lewis, une façon assez unique de sculpter les sons. Et elle avait aussi sorti un EP qui était vraiment très très bon, sous le titre de M-Suic, qui était très très différent. Et donc je propose d'écouter un morceau absolument dansant, comme je vous disais, qui répond au nom de Twist. On écoute Clara Lewis. Thank you. Thank you. Vous êtes toujours dans les îles de puissance sur antenne 94 MHz avec une séquence décousue comme on les aime. Tout d'abord, le retour de Clara Lewis aux affaires avec son deuxième album qui s'intitule Tout bonnement Tout. Ça va sortir à la fin du mois de mai, donc d'ici un bon mois sur le label Imego. Donc c'était un morceau en titre d'apéritif qui répond donc de twist. L'album est réussi de bout en bout comme le précédent, donc qui s'intitule E2T, que je vous conseille bien chaudement si vous ne l'avez pas encore écouté. On a enchaîné la musique de Mademoiselle Lewis avec le compositeur électroacoustique d'origine turque Bülent Arel et son postlude From Music for a Secret Service, enregistré dans les fameux studios de la Columbia Princeton électronique des années 1960, et le titre donc qui datait de 1961 très exactement pour ce compositeur qui avait étudié au conservatoire d'Ankara et qui avait aussi étudié l'art des sons concrets à Paris. Il avait aussi d'ailleurs travaillé sur des sections de la fameuse pièce de Monsieur Varèse, Désert, au début des années 60, et il avait été invité par la Rockefeller Foundation pour travailler au fameux Columbia Princeton Electronic Music Center. Alors, je ne sais pas s'il a beaucoup produit ce monsieur. Il s'est retiré des affaires à la fin des années 80. En tout cas, les quelques pièces égarées sur différentes compilations sont vraiment très recommandables. La musique de Bülent Arel, notamment, donc, ça a fait l'objet d'une anthologie des studios Columbia Princeton Electronic Music Center qui était sorti il y a de ça quelques années. C'était sorti à la fin des années 90, début des années 2000, et il se retrouve aussi sur la nouvelle anthologie du label belge Sub Rosa, l'anthologie de la musique turque expérimentale, un double CD, double vinyle avec pas mal de choses, pas moins de 29 titres qui composent ce florilège, dont pas mal d'inédits. Il y a des choses déjà apparues sur des compilations diverses et variées, comme souvent avec Sub Rosa, et aussi donc des inédits qui ont été recherchés, de la musique turque expérimentale électronique, mais pas que, entre 1961 et 2014. Donc double vinyle et double CD que vous pouvez d'ailleurs vous procurer en offre spéciale. Il propose aussi d'acquérir l'anthologie des musiques chinoises expérimentales qu'ils avaient sorti il y a de ça quelques années, 3-4 ans à peu près, en quadruple CD. Donc tout ça à un tarif assez imbattable, quelque chose comme 29 € pour le double et le quadruple en version CD. Pour le vinyle, ce sera sans doute un peu plus cher. Donc voilà pour l'anthologie of Turkish Experimental Music. Et on a terminé avec tout autre chose, et la musique de Tim Daisy avec un extrait de ce Relucent for Marimba, donc radio et autres tables tournantes, pour cet album en solo enregistré par le percussionniste basé à Chicago qui fait partie du Rempice Percussion Quartet et autres projets de Ken Vandermark, et c'est sorti au mois de février sur sa propre marque Relay Records, label de Chicago sur lequel il édite sa propre musique et quelques autres de ses co-régionnaires de Chicago. Voilà, je propose de continuer avec l'ensemble Super Musique, un grand orchestre mené par mesdames Daniel Palardi-Roger, Diane Labrosse et autres Joanne Etu, soit la réunion des Poules et de Wonderbrass, donc musicienne québécoise bien connue des services depuis une bonne vingtaine, trentaine d'années, qui ont réuni un grand orchestre dans lequel on retrouve à peu près tout le ou des musiques expérimentales et improvisées et contemporaine de Montréal. On y retrouve notamment les fameux Martin Tétrault, Bernard Falaise, Jean de Rome, j'en passe, il y en a quantité de musiciens, à peu près 30 ou 40 personnes qui constituent ce grand orchestre, l'ensemble Super Musique, qui porte très très bien son titre, et ils viennent tout juste de faire paraître, ils en ont sorti déjà 3, 4 ou 5, toujours sur l'étiquette et le collectif Ambiance Magnétique. Celui-ci s'intitule Les Accords Intuitifs. Il est constitué de 5 pièces entre musique contemporaine, jazz actuel, et des pièces de Yves Boulian, Bernard Falaise et autres, Malcolm Goldstein. Mais là, je propose d'écouter le titre Pour ne pas désespérer seul par Madame Joanne Etu et le grand orchestre, l'ensemble Super Musique, s'il vous plaît. Thank you. foudroyé d'impuissance, foudroyé d'impuissance. ce qui te bêtise en follement. En ne pas abandonner, de parler, de dire, de chanter, d'exalter, de me réjouir, ne pas abandonner, de t'aimer, te soutenir, te bercer, t'endormir, ne pas abandonner, de te réjouir, délirer, respirer, regarder, méditer, ne pas abandonner. C'était difficile de vous priver, de vous spolier de cet excellent solo de l'ensemble Super Musique avec ce long titre extrait des Accords Intuitifs, tout nouvel opus, le quatrième je crois en date pour cette formation québécoise, toujours sur Ambiance Magnétique, toujours abonné à cette fameuse coopérative des musiques nouvelles québécoises. Et donc le titre qui fait à peu près 20 minutes, pour ne pas désespérer seul, je vous en mettrai sans doute d'ailleurs une louchée supplémentaire pour que vous ne désespériez pas seul sur le blog de l'Asile le plus sûr, asile35.blogspot.fr. Ce sera disponible d'ici quelques jours, puisqu'il y a aussi des passages un peu plus avec des soufflants dans 3-4 minutes à peu près, mais ensemble Super Musique dans lequel on retrouve à peu près tout ce qui bouge, le ouzou des musiques inventives du côté de Québec et de Montréal, notamment Bernard Falaise, Daniel Palardi, Roger, Alexandre Saint-Onge, Pierre Tanguay, Martin Tétrault, Jean de Rhône bien évidemment, j'en passe, et pas mal d'autres, des musiciens aussi un peu plus d'Amérique du Nord. Voilà donc 5 pièces jouées par ces 20 instrumentistes, des pièces qui s'échelonnent entre les années 76 et 2015, et donc celle qu'on entendait qui était due à Madame Joanne Etu, qu'on n'avait pas entendu depuis pas mal d'années, notamment depuis ses projets Les Poules. Voilà donc pour cette grande formation à géométrie variable, l'ensemble Super Musique. Petite info concert aussi avant de se quitter avec une session musicale et aussi une installation sonore à ne pas manquer ces jours-ci à Rennes, au lieu du Song d'Art à Rennes, le Bon Accueil sur le canal Saint-Martin, qui accueillera Jacob Kierkegaard, Dawn Scarf et Katerina Undo. Ce sera cette semaine avec vernissage à partir de ce jeudi 21 avril 18h30, donc sur le canal Saint-Martin, et deux concerts à la chapelle de l'Hôtel Dieu pour fêter l'événement, notamment donc des concerts autour du drone, de l'ambiante et des compositions modernes, comme c'est mis dans le programme, notamment ce vendredi 22 octobre avec la venue assez exceptionnelle donc de Jacob Kierkegaard et Dawn Scarf, Jacob Kierkegaard, qui sera accompagné d'un trio à cordes à la chapelle de l'Hôtel Dieu, pas très loin des Beaux-Arts et du Conservatoire. Et également en extérieur à partir du 20 avril, installation sonore tri-musique de Dawn Scarf au campus Giorgio Frassati, vernissage le 20 avril à partir de 18h. Et on salue d'ailleurs le commissaire de l'exposition, d'art commissaire. Donc Damien Simon, merci Damien pour cette excellente sélection autour de Jacob Kierkegaard. Au bon accueil, on va se quitter avec une dernière sélection et il s'agira d'un musicien québécois ou aussi plutôt canadien, mais canadien plutôt du Nord. Cette fois-ci, il s'agit de Tim Aker qui revient avec un album que je vous gardais un peu sous le coude depuis quelques jours. Il est sorti, je crois, au début du mois de mars. Il s'intitule Love Streams et c'est le grand retour du chantre de l'ambiante musique de ces dernières années, avec un album qui est sorti, chose assez inhabituelle, sur le fameux label 4AD, dans lequel se sont illustrés bien évidemment les Cocteau Twins et autres Dead Can Dance à partir des années 80. Alors l'album est plutôt assez chatoyant, pas à sauter au plafond non plus, mais il y a quelques petites pièces assez chouettes à entendre. Et je propose de conclure donc avec ce titre de Tim Aker, celui qui démarre cet album Love Streams, plein de bonheur et d'amour pour vous à l'écoute du 94 MHz ou du blog peut-être de l'Asile le plus sûr, asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Thank you. Thank you. Thank you. Ha ha ha!